Le devoir de mémoire, c'est quoi? Le conseil municipal d'enfants. C'est lorsque nos grands-parents nous racontent ce qu'ils ont vécu afin que nous puissions, à notre tour, raconter et transmettre. L'association Présence du Haut-Anjou. L'histoire est jalonnée d'événements qui construisent notre société. Seuls ceux ayant permis les progrès mériteraient d'être retenus, mais n'oublions pas de parler des plus douloureux. Rafraîchissons régulièrement notre mémoire, c'est le prix de notre liberté. L'association Comité d'entente. Nos anciens ont défendu des valeurs universelles, fondement de notre République. Devoirs de mémoire et d'histoire sont indissociables car la connaissance engendre le libre arbitre quand les dogmes enferment l'entendement.